La communauté internationale exalte le respecté camarade Kim Jong-un. Le secrétaire général du Comité africain d'études des Ejutsu, le président de l'association d'amitié Égypte-Corée et autres amis étrangers ont affirmé que la Corée manifeste sa vigueur de puissance invincible tout en brisant résolument les démarches des impérialistes visant à l'isoler et à l'étouffer grâce à la direction du maréchal Kim Jong-un, grand homme sans égal. Le journal Nigerian Observer a commenté en trois points le mode de création du maréchal Kim Jong-un qui conduit l'édification d'une puissance socialiste. Selon lui, le premier point est le dépassement du niveau mondial, le deuxième, la vitesse de création incomparable, et le troisième, l'objectif audacieux et colossal.